Le secret de la fourmilière. De la fable d'Ésope, dont les sources se perdent dans la préhistoire, jusqu'à Jean de La Fontaine, la fourmi fut le plus calomnié des insectes. Opposée à la cigale qu'on avait, on ne sait pourquoi, ornée de toutes les vertus faciles et décoratives, elle était devenue l'acariâtre symbole de la parcimonie soupçonneuse, de la mesquinerie envieuse, de la ladrerie étroite, malveillante, bornée et malodorante. Elle représentait, à côté de la grande artiste empanachée et du reste incomprise, le petit bourgeois, le petit rentier, le petit fonctionnaire, le petit boutiquier, des petites rues d'une petite ville sans installation sanitaire. Et cela même qui lui ressemblait le plus la méprisait le plus profondément. Il fallut pour la réhabiliter et lui rendre justice les travaux de nos grands myrmécologues, dont le premier en date, nous venons de le voir, est Jean-Pierre Hubert. Aujourd'hui, la preuve est faite. La fourmi est incontestablement l'un des êtres les plus nobles, les plus courageux, les plus charitables, les plus dévoués, les plus généreux, les plus altruistes que porte notre terre. Il n'y a du reste aucun mérite, pas plus que nous n'en avons à nous affirmer, à bon droit, les phénomènes les plus intelligents qui s'agitent sur notre planète. Nous ne devons cet avantage qu'à un organe monstrueusement développé dont la nature nous a munis, de même que la fourmi est redevable des vertus que nous avons énumérées à un organe d'un autre ordre, dont un caprice, une expérience ou une idée bizarre de la même nature l'a exceptionnellement douée. La fourmi possède en effet, à l'entrée de l'abdomen, une poche extraordinaire, qu'on pourrait appeler la poche ou le jabot social. Cette poche explique toute la psychologie, toute la morale et la plupart des destinées de l'insecte. C'est pourquoi il est nécessaire de l'étudier soigneusement avant d'aller plus loin. Cette poche n'est pas un estomac. Elle ne contient aucune glande digestive et les aliments qui s'y accumulent s'y conservent intacts. L'alimentation de la fourmi, qui a de puissantes mandibules pour percer, saisir sa proie ou son ennemi, cisailler, sectionner, décapiter, tenailler, mais dépourvue de dents pour mâcher, étant presque exclusivement liquide, c'est-à-dire formée d'une sorte de rosée sucrée. Le sac en question est une outre collective, uniquement réservée à la communauté. L'outre est ingénieusement et complètement séparée de l'estomac individuel, dans lequel les aliments qu'elle contient ne parviennent qu'au bout de plusieurs jours, quand la faim commune est d'abord satisfaite. Elle est prodigieusement élastique, occupe les 4/5 de l'abdomen dont elle refoule tous les autres organes et à tel point dilatable que chez certaines espèces américaines, notamment chez les Myrmecocystus ortus deorum des États-Unis, elle prend la forme d'une dame Jeanne, d'une jarre ou plutôt d'une bonbonne, 8 ou 10 fois plus volumineuse que le ventre normal. Ces fourmis bonbonnes n'ont d'autre fonction que d'être les réservoirs vivants de la cité. Par les pattes de devant, prisonnières volontaires qui ne revoient plus le jour, elles s'agrippent en rang serré au plafond de la fourmilière et lui donnent l'aspect d'un cellier bien ordonné où l'on dégorge la mielée récoltée au dehors et où l'on vient solliciter la régurgitation. Excusez le mot qui est inévitable. Il évoque l'indigestion et ses disgrâces, alors que comme la rumination de la vache ou du bœuf, il n'a rien de commun avec elle. C'est le terme technique, cher aux myrmécologues, qui sont forcés d'en abuser un peu, mais il faut bien admettre, car la régurgitation ou le dégorgement est l'acte essentiel, l'acte fondamental d'où dérive la vie sociale, les vertus, la morale et la politique de la fourmilière, de même que ce qui nous sépare de tout ce qui vit sur la terre dérive de notre cerveau. « La fourmi n'est pas prêteuse », disait le fabuliste. C'est vrai, elle ne prête pas. Car prêter n'est qu'un geste d'avare. Elle donne sans compter et ne reprend jamais. Elle ne possède rien, pas même ce qui se trouve dans son corps. Elle ne songe presque pas à manger. Elle vit d'on ne sait quoi, de l'air du temps, de l'électricité éparse, des vapeurs ou des fluves. Faites-la jeûner durant plusieurs semaines sur le plâtre d'une fourmilière artificielle, pourvu que vous ayez soin d'y entretenir un peu d'humidité, elle n'en souffrira point. Elle vaquera à ses petites affaires, aussi alerte, aussi active, que si ses celliers étaient pleins. Une goutte de rosée comble son estomac particulier. Tout ce qu'elle quête et amasse sans répit au péril de sa vie n'est destiné qu'au jabot collectif. à l'insatiable sac de la communauté, aux œufs, aux larves, aux nymphes, aux compagnes et même aux ennemis. Elle n'est qu'un organe de charité. Travailleuse opiniâtre, ascétique, chaste, vierge, neutre, c'est-à-dire sans sexe, elle n'a d'autre plaisir que d'offrir à qui le veut prendre tout le fruit de ses peines. La régurgitation doit être pour elle un acte aussi plein de délices que l'est pour nous la dégustation des mets et des vins les plus rares. Il semble évident que la nature y a incorporé des voluptés analogues à celles de l'amour qui lui est interdit. La fourmi qui régurgite, comme le fait remarquer Auguste Forel, les antennes rejetées en arrière, prend un air extasié et visiblement éprouve plus de plaisir que celle qui se gorge de miel. Du reste, dans la plupart des fourmilières, la régurgitation est pour ainsi dire incessante et ne s'interrompt que pour le travail, les soins à donner à la progéniture, le repos et la guerre. On peut même se demander si la fourmi, dont la poche sociale est gonflée à se rompre, est à même d'en faire passer une goutte dans son estomac individuel. On sait du reste que certaines races guerrières, notamment les Polyergus rufusens, qu'Hubert appelle les Amazones, ne peuvent se nourrir sans l'aide d'esclaves régurgitateurs et mouraient de faim au milieu d'une flaque de sirop. Cette sorte de communion perpétuelle de bouche à bouche est donc la forme normale et presque générale de l'alimentation. Pour s'en convaincre, il suffit de teinter de bleu quelques gouttes de miel et de les offrir à une de nos petites fourmis jaunes dont le corps est presque transparent. On voit bientôt le ventre s'arrondir, se tendre et prendre une teinte azurée. Alourdie, elle regagne son nid. Une demi-douzaine de quémandeuses, alléchées par l'odeur, la caressent fiévreusement des antennes. Elle est satisfaite à l'instant et tous les ventres qui l'environnent deviennent bleus. À peine ont-ils pris part au festin qu'elles sont sollicitées par d'autres compagnes, attirées du fond des souterrains qui, à leur tour, partageront la gaude révélatrice et ainsi de suite jusqu'à l'épuisement total. Après quoi, la première bienfaitrice qui a donné tout ce qu'elle possédait, allégée, s'éloigne en trottinant et visiblement plus heureuse que si elle venait de faire trois ou quatre repas plantureux. Il ne faut même pas que la solliciteuse soit une concitoyenne. N'importe quelle étrangère plus ou moins imprégnée de l'odeur du terroir, fille d'une race qui n'est pas trop ostensiblement ou trop foncièrement ennemie et que les gardiennes des portes ont laissé pénétrer dans le nid, n'importe quel parasite souvent nuisible mais inexplicablement toléré par la bienveillance générale, s'il sait s'y prendre, caresser habilement la donatrice, obtient tout ce qu'il veut. Rien de plus facile à tromper que leur imprudente charité. On en voit qui, au plus dur de la mêlée, ne résiste point aux sollicitations d'un adversaire qui a faim. Elle lui accorde l'aumône et chevaleresquement le ravitaille avant de reprendre la lutte. Parfois, leur charité va trop loin et entraîne la ruine de la colonie. Par exemple, une fourmi tunisienne, la Wella Riella, étudiée par le docteur Sanchi, s'introduit dans le nid d'une autre espèce de fourmi, la Monomorium salomonis. Elle y est d'abord assez froidement accueillie. Mais bientôt, à force d'habiles caresses, elle gagne la faveur des ouvrières qui finissent par la préférer à leur propre reine, qu'elles abandonnent et maltraitent au profit de l'astucieuse aventurière dont les charmes semblent irrésistibles. Peu après, l'usurpatrice se met à pondre. Son espèce, essentiellement parasite et qui ne travaille jamais, prolifère seule et se substitue aux trop hospitalières et trop confiantes ouvrières dont la race s'éteint. Alors c'est la misère, la famine et la mort, et les parasites, à leur tour, disparaissent, victimes d'une victoire trop complète. Ne s'agit-il là que d'un acte purement et inexplicablement imbécile, propre au monde des insectes? N'avons-nous pas, parmi nous, des aberrations analogues, aussi inexplicables? N'est-ce pas un curieux et significatif exemple de l'instinct, en principe infaillible, qui, chez les races trop civilisées comme chez l'homme, se trompe mortellement parce que l'intelligence, le sentiment ou l'intrigue intervient? Nous en reparlerons plus loin. Mais l'interprétation de tout ce qui précède n'est-elle pas trop humaine? La caresse anténale ne provoque-t-elle qu'un réflexe analogue au réflexe érotique, involontaire et irrésistible? Il se peut, mais à interpréter de cette façon la plupart de nos actes, nous aboutirions aux mêmes conclusions. ne poussons pas trop loin la crainte de l'anthropomorphisme, tout deviendrait purement mécanique ou chimique. Il n'y aurait plus place pour la vie proprement dite. Et la vie donne toujours des démentis inattendus au déterminisme le mieux établi. Il y a notamment plus d'un cas où la fourmi sollicitée repousse délibérément et manifestement la caresse et expulse et maltraite l'intruse qui la supplie. Ne nous hâtons pas de déclarer que tout ici n'est qu'incohérence, stupidité, automatisme, au même compte que resterait-il de la plupart de nos actes et de nos vertus. En attendant, quelle que soit leur interprétation, les faits rapportés sont précis et confirmés par tous les myrmécologues qui s'y sont intéressés. N'importe qui, du reste, s'il le désire, est à même de les contrôler, car l'étude des fourmis qui pullulent dans tout lieu, à la surface du sol et jusque dans nos maisons, est beaucoup plus facile que celle des termites. En passant, il est curieux de constater que les trois insectes, dont la civilisation l'emporte de beaucoup sur celle de tous les autres, possèdent un organe collectif ou social qui, s'il n'est pas identique, remplit des fonctions analogues. Ainsi, c'est par régurgitation, cette fois stomacale, que les abeilles nourrissent leurs nymphes et leurs reines. Tout le miel de la ruche n'est du reste qu'un nectar collectif régurgité. Chez les termites, l'organe altruiste est tantôt l'estomac et plus souvent le ventre. Y a-t-il quelque rapport entre l'altruisme plus ou moins complet de cet organe et le degré de civilisation des trois espèces? Je ne sais. Mais s'il fallait les comparer entre elles, je mettrais au premier rang la fourmi, ensuite le termite, et enfin au dernier, malgré le prestige de sa vie éclatante, le miracle de ses constructions, de sa cire et de son miel, notre abeille domestique. Supposons un instant que nous possédions un organe à peu près semblable. Que serait une humanité qui n'aurait plus d'autres soucis, d'autres idéaux, d'autres raisons de vivre que le don de soi et le bonheur d'autrui? D'une humanité où travailler uniquement pour le prochain, où le sacrifice permanent et total serait la seule joie possible, la félicité essentielle, en un mot, la volupté suprême, dont nous n'apercevons qu'un éclair fugitif dans les bras de l'amour. Malheureusement, nous sommes faits de telle sorte que c'est tout le contraire qui est vrai. L'homme est le seul animal social qui ne possède pas d'organe social. Est-ce pour cette raison qu'il ne peut être qu'un socialiste ou un communiste précaire et artificiel? Il ne nous est possible de subsister qu'en vivant concentriquement, au lieu que les fourmis sont naturellement centrifuges. Les pivots ne tournent pas dans le même sens. Chez nous, tout est nécessairement, organiquement, fatalement égoïste. C'est en donnant que nous outrepassons notre loi vitale, que nous nous trahissons par un effort qui nous fait sortir de la règle et que nous appelons un acte de vertu. Chez elle, au rebours, c'est en se sacrifiant, en se prodiguant qu'elle suit sa pente naturelle. C'est en refusant qu'elle se vainc et transgresse son altruisme instinctif. Les pôles de la morale sont invertis. Nous possédons aussi un organe altruiste, mais sur un autre plan. Nous l'avons dans l'esprit et parfois dans le cœur, mais n'étant pas physique, il est sans efficace. La fonction, l'insistance spirituelle et morale finiront-elles, comme le croient les transformistes, par créer l'organe matériel? Il n'est pas impossible. Dans la nature, avec la complicité des siècles ou des millénaires, on peut entrevoir des prodiges que l'on ose espérer. Néanmoins, il faut avouer que le prodige semble moins imminent qu'autrefois et que bien des époques furent plus généreuses que la nôtre. Les religions étaient comme l'amorce ou l'ébauche d'un organe altruiste et collectif qui promettait dans un autre monde les voluptés que la fourmi éprouve à se donner en celui-ci. Nous sommes en train de les extirper. Il ne nous reste que l'organe égoïste et individuel de l'intelligence qui peut-être se dépassera quelque jour et brisera son cercle. Mais Dieu sait quand. Enfin, ne perdons pas de vue que même chez les fourmis, cette universelle charité, cette communion perpétuelle, n'empêche pas les guerres. Il est vrai qu'elles sont moins fréquentes et moins cruelles qu'on ne croit.